Chaque jour au quotidien, je te désire. Viens illuminer ma vie, je t'en prie. Demeurer dans ta présence est plus qu'un plaisir. Garde-moi tes côtés, sinon je faiblis. J'ai besoin de toi, chaque jour que tu as fait pour savourer la grâce que tu m'as faite. Oui, je veux vivre et te servir. Montre-moi le chemin à suivre, les activités à fuir, les choses à faire pour ta gloire, ô Jésus-Christ. Je te veux comme guide en tant que brebis. Préserve-moi de toute chute, à l'abri de toute souillure, afin que je puisse t'adorer. Jésus, sans t'avoir encore vu, je sais que tu es au-dessus de ce que j'ai vu et entendu. C'est sûr. Jésus, de ma vie tu es le pain, le chemin, la vérité, la vie. Avec toi, je n'ai pas peur du lendemain. À cet effet, je viens à toi, en titubant, soutiens ma foi. Lumière du monde, éclaire ma voix. J'ai besoin de toi pour vivre la vie de l'esprit dans ma vie. À l'abri des ennuis, je veux m'enfuir. J'ai peur, loin de ta présence, et je suis faible en ton absence. Et tu es mon appui. Je veux vivre sous un ciel ouvert et ne plus suivre cette chair. Sans toi Seigneur, c'est impossible de le faire. J'ai besoin de ton aide Seigneur. Jésus, sans t'avoir encore vu, je sais que tu es au-dessus de ce que j'ai vu et entendu. C'est sûr. Jésus, de ma vie tu es le pain, chemin, la vérité, la vie. Avec toi, je n'ai pas peur du lendemain. J'ai entendu des dires, des récits sur toi Christ. Pour toi le Christ en qui ma vie s'assure. J'ai lu, j'ai su, j'ai compris les écritures. Trop de blessures, ça tire, trop de souffrance. Je fonce dans le mur, ici ça hume, ça tire. Puis ça inhume, je joue les durs. Je lis la Bible dans le plaisir, une fois que t'es dur. Je fais chimie, j'ai pas la carrière de qui a su. Dans cette lutte, mon cœur l'a su. J'ai compris, j'ai vu, j'ai lu. Ma vie, c'est toi le Christ. J'ai été à beaucoup d'endroits, j'ai fait tellement de choses, et j'ai résisté à ton appel pendant très longtemps. Mais maintenant je me laisse, je viens à toi. J'ai besoin de toi Seigneur, car je sais qu'en toi j'ai la force, j'ai la vie. La vie en abondance, car de ta main droite tu me tiens et tu me soutiens. Et sur ce chemin, aussi long que pénible, je marche sur tes pas avec assurance et foi. Car je sais que tu es au-dessus de toutes ces choses qui autrefois me tenaient hors de la voie. Jésus, de ma vie tu es le pain, le chemin, la vérité, la vie. Avec toi, je n'ai pas peur du lendemain. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses.